Pensez à... j'ai des watts, non? Attends, j'essaye un truc, hein. Les guitaristes, ils font toujours qu'ils montent leurs amplis. Et à la fin, ils sont sourds.